بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui le darf c'est pour expliquer qu'est-ce que signifie le manhaj de al-da'wa al-salafiyya, le manhaj al-salaf, et qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie à nous. Non, c'est parce que actuellement, subhanallah, comme on va lire ensemble, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui se prétendent être salafis, il y a beaucoup de groupes qui se disent salafis, mais lorsqu'on vérifie dans la réalité, ils sont loin de la réalité de ce que signifie suivre les salafis. Par exemple, il y a beaucoup parmi les musulmans aujourd'hui, certains groupes qui ont accepté l'aqidah, c'est ça là. Si tu leur demandes des questions au sujet de l'asma ou sifat, tu leur demandes des questions au sujet de la tawhid et des choses de ce genre, ils vont répondre les bonnes réponses. Tu leur demandes où est Allah, ils vont te répondre la réponse correcte, que Allah est au-dessus de sa création. Et si tu leur poses des questions de ce genre au sujet de l'aqidah, ils vont te donner les bonnes réponses. Par contre, en ce qui concerne d'autres aspects de du manhaj des salaf, comme par exemple en ce qui concerne ordonner le bien, interdire le mal, en ce qui concerne al-wala al-bara, en ce qui concerne l'attitude à prendre vis-à-vis des dirigeants des musulmans, en ce qui concerne beaucoup d'autres aspects, comme par exemple le takfir, et des aspects comme, en ce qui concerne le jihad et d'autres aspects de ce genre, tu vois que ces gens-là ont une autre attitude, une attitude qui est complètement opposée au manhaj de salaf. Aussi l'attitude vis-à-vis des gens de bid'a, comment on doit agir vis-à-vis eux, et qui sont les gens de bid'a, comment on doit agir avec eux, et comment on doit agir aussi avec les salafiyins, avec les musulmans qui adhèrent au manhaj de salaf. Donc c'est un petit résumé de ça qu'on va étudier ensemble. C'est pas un gros livre. C'est seulement 40 pages. Donc, c'est des cours qu'un chef de l'université de l'université islamique à Médine avait préparé pour des élèves. Et puis, il a décidé de les mettre dans un livre et puis de les publier. Donc, moi, j'ai trouvé une copie sur un site sahab.com. Et puis, j'ai donc fait une copie que j'ai décidé de lire avec vous pour essayer de, inchallah, d'approfondir un peu plus notre compréhension de ce que signifie da'wa salafiyya, le manhaj. Le livre s'appelle Kun salafiyyan ala al-jadda. Kun salafiyyan ala al-jadda. C'est-à-dire, soit salafi sur la voie, sur le chemin. Je le suis, mais salaf sur le chemin. Et c'est écrit par عبد السلام بن سالم الصحيحي. نعم. donc Le chef, il commence dans son livre, il dit Bismillah, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعم أما بعد فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وجعل أمته أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي عدولا لا يميلون عن الحق إلى غلو ولا إلى جفاء بل يتوسطون ويعتدلون إذ دين الإسلام قد نهى عن الغلو والجفا وأمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها وإن من أبرز سمات هذا الدين العدل والإنصاف وعدم الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم Donc l'introduction, le chef il commence par mentionner خطبة الحاجة c'est le discours que le prophète صلى الله عليه وسلم utilisait lorsqu'il commençait à faire discours ou lorsqu'il parlait d'un sujet très important, lors des mariages ou aussi lors des cérémonies ou lors de khutbah ou lors d'un événement social, il mentionnait toujours cette introduction-là avant de commencer à parler de son sujet. Et ça consiste à la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, à chercher son aide et à chercher son pardon et sa miséricorde. Et à chercher le refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre les mauvaises conséquences de nos actions. Et ensuite de dire que celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare, personne ne peut le guider. Ensuite de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et il n'a aucun partenaire. Et ensuite de témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et son messager. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait trois versets tirés de trois différentes sourates. Le premier qui vient de sourate Al-Imran qui dit « Oh, vous qui avez cru, craignez Allah le plus que vous pouvez le craindre. Et ne mourrez excepté qu'en étant en état de soumission, c'est-à-dire en état musulman. » Ça c'est dans sourate Al-Imran, verset 32. Le deuxième verset, c'est « Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul âme et qui a créé de cette âme son épouse et qui a fait de ces deux-là des hommes et des femmes en grande quantité et craignez Allah par celui par lequel vous demandez les liens de parenté. » Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes proche de vous. Et oh les croyants, ça c'est dans Surah An-Nisa, le premier verset, et le troisième verset qu'il mentionne c'est oh vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole droite. Allah subhanahu wa ta'ala corrigera vos actions et il pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes pour cela, le succès, il y a un succès énorme. Puis ensuite, le chef, il commence et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme une miséricorde pour le monde. Et il dit, il cite le verset, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour le monde. Et ensuite, il dit, et il a fait de cette ummah, la ummah de l'islam, ummah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une umma bien équilibrée. Et c'est pour ça qu'il mentionne le verset dans Surah Al-Baqara, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une nation bien équilibrée. Une nation du juste milieu. Pour que vous soyez témoins pour les hommes et pour que le messager soit un témoin pour vous. Et qu'est-ce que ça signifie ummatan wa papa? Qu'est-ce que ça signifie une umma bien équilibrée ou une umma du juste milieu? Ça signifie une umma qui est déjà, c'est-à-dire qui est composée de personnes qui sont dignes de confiance et qui ne tournent pas vers la gauche ou vers la droite en ce qui concerne la vérité. C'est-à-dire ils vont sur le droit chemin en ligne droite et ils ne se dirigent pas vers un extrême dans le sens que comme ceux par exemple qui veulent exagérer dans leurs adorations ou dans leurs pratiques, soit en ajoutant des choses ou en voulant faire trop, et dans l'autre extrême aussi, il y en a ceux qui veulent ajouter ou exagérer en enlevant quelque chose ou en faisant pas assez. C'est-à-dire de ne pas exagérer ni dans un des extrêmes ni dans l'autre. C'est-à-dire une umma qui est sur le droit chemin et qui s'éloigne des deux sortes d'extrêmes. C'est-à-dire une nation qui est juste et qui suit l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'extrémisme. Et il a interdit aussi al-jafa. Et al-jafa, le terme extrême, c'est le mot al-ghulu qui est utilisé en arabe, al-ghulu. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent des termes pour désigner l'extrémisme qui ne sont pas basés dans le Coran ou dans la Sunna, qui n'ont pas leur source dans le Coran ou dans la Sunna. Comme par exemple, ils vont utiliser des termes comme intégré ou fondamentaliste ou d'autres termes de ce genre. Et ça, c'est des termes inventés par les kuffars. Et ces termes-là n'expriment aucune réalité en ce qui concerne nous les musulmans. Parce que c'est des choses ou des idées ou des termes qui sont empruntés de leur civilisation, de leur histoire, de leur contexte. Alors que pour nous les musulmans, ils n'ont aucun exemple, ils n'ont aucune relation avec le contexte islamique. C'est pour ça que nous, on doit éviter leur terminologie et leurs mots, parce qu'elles n'ont aucune réalité pour nous. En réalité, on doit se retourner aux termes utilisés par le Coran et la Sunna. D'accord? Et c'est-à-dire al-ghulou. Quand quelqu'un exagère ou transgresse, on dit qu'il est ghalim. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ahl al-kitab, la taghlou fi dinikum. Oh les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. D'accord? Donc, Allah Ta'ala, il a interdit l'extrémisme. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu wa fid-din. Donc, la seule chose qui a fait périr les peuples qui étaient là avant vous, c'est l'extrémisme dans la religion. Donc, l'extrémisme est une chose qui a été toujours interdite et rejetée par l'islam. Et c'est pour ça que le chef mentionne cet exemple. Et l'extrême, il ne faut jamais oublier que c'est toujours de deux côtés. Il y a toujours deux. Soit que ceux qui veulent faire trop, ou qui veulent dépasser la limite qui est établie par Allah en ajoutant, ou en faisant plus, et d'autres qui veulent aller en enlevant quelque chose, ou en faisant pas assez. Ça, c'est deux extrêmes à éviter. Et donc, le cheikh, il dit que c'est une des plus grandes caractéristiques de cette religion, qu'elle est une religion de justice, c'est-à-dire une religion du bon sens, une religion du juste milieu, et qui est contre l'injustice, et qui juge par la voie droite, ou la règle de justice, ou la règle droite. Après, le chef continue, il dit, وَإِنَّ خَيْرَ مَنْ يُمَثِّلُ الْوَسَطِيَّةِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ الْوَسَطِيَّةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْإِسْلَامِ خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة الذين تمثلوا الإسلام في جميع أمورهم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين اتباعا للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة فهم أولى الناس دخولا في هذه الوسطية وإن كل معنى من معاني الوسطية ثبت لهذه الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأعلى وما ذاك إلا لأنهم هم النموذج الأمثل للأمة التي جعلها الله وسطا وأخبر أنها خير أمة أخرجت للناس إذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من فرق وطوائف الأمة. إنه ما من فرقة ولا طائفة إلا ولها من الأقوال والاعتقادات ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أهل السنة خير فرق هذه الأمة وأوسط طوائفها، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. Donc le cheikh il continue et il explique un point important en disant le meilleur exemple de justice et d'équilibre dans les paroles, dans les actions et dans les croyances, c'est-à-dire dans l'équilibre en ce qui concerne l'équilibre et la justice que l'islam a apporté, les meilleurs qui l'expriment et qui le représentent, ce sont Ahl Sunna wal Jama'a. Ahl Sunna wal Jama'a. Et c'est eux qui représentent l'islam dans tous ses aspects et dans tous ses dimensions, en se basant sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les khulafa al-rashidin, les successeurs bien guidés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, اتباعا للكتاب والسنة en suivant le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs de cette umma. Et quand on dit les salafs, c'est-à-dire les prédécesseurs de cette umma, les premiers musulmans, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'un, les man tabi'ahum bi ihsan. Et ça on va l'expliquer après en détail, inshallah. Donc le cheikh il dit ce sont les personnes les mieux placées pour entrer dans cette description de Ummatan Wasata dont Allah SWT parle. D'accord? Et toutes les significations de Al-Wasatiya, c'est-à-dire d'être une nation ou une Umma, ou un peuple équilibré, eh bien, elles sont représentées par Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est eux qui ont la plus grande partie de ça. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, comme il a dit dans un verset dans Surat Al-Imran, خَيْرُ أُمَّةٍ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلَّهِ. Donc c'est la meilleure umma qui est sortie pour les hommes. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui disaient que à propos des sahaba, hum, anfa'u an-nas lin-nas, ou khayru an-nas lin-nas. C'est-à-dire, ce sont les meilleurs hommes pour les hommes. Il n'y a personne qui est venu dans le monde ou dans l'humanité qui avait plus intérêt à avoir au bien-être de l'humanité et à les appeler au bien plus que cette umma parmi toutes les autres nations qui sont venues à l'humanité, qui ont suivi les prophètes. Donc, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Et ils sont aussi الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة. Donc ce sont le groupe parmi tous les groupes qui appartiennent à l'islam qui ont appliqué et suivi exactement l'exemple du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux autres groupes de la Umma et aux autres sectes et groupes qui ont contredit le Coran et la Sunna soit dans les paroles ou dans les croyances. D'accord? Et donc c'est pour ça que Ahl Sunna c'est la meilleure de tous ces groupes-là. Pourquoi? Parce que c'est le groupe qui a suivi et appliqué le Coran et la Sunna dans tous leurs actes, dans tous les aspects de la croyance islamique. Et c'est pour ça qu'ils sont à Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux, wa humul firqatul najiyah. Et ce sont les groupes sauvés, comme قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسط في النحل كما ملة الإسلام وسط في الملل. Donc شيخ الإسلام il a dit, c'est ça que le Cheikh Martial, que l'islam comme l'islam est au juste milieu par rapport aux autres religions, eh bien Ahl Sunnah ils sont au juste milieu par rapport aux sectes et aux groupes de dieux. Et ça, si on rentre dans les détails et l'explication de ça, on va réaliser que ça, c'est un exemple très clair et très facile à comprendre. Et juste pour vous donner un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence dans surat al-Fatiha, à la fin en disant « Ihdina surat al-mustaqim »« Surat al-lazina an'amta alayhim » غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc Allah سبحانه وتعالى déjà en partant il nous met au juste milieu, il nous dit guide-nous sur la voie de ceux à qui tu as donné ta grâce et ta miséricorde. Et il est décrit c'est qui ces gens-là qui sont sur le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم, ceux à qui tu as donné ta grâce et ceux qui sont sur ta grâce, et qui ils sont يعني من المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين كما تكتب سورة آل عمران إن الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Donc ça c'est l'explication de ce qui est الذين أنعمت عليهم, ce sont les prophètes والصديقين والشهداء والصالحين, ce sont eux. Donc il nous montre le droit chemin, puis ensuite il dit et pas le chemin de ceux qui ont accouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yahoud, ce sont les juifs. Et voilà dalil, ni les égarés, et il a dit ce sont les chrétiens, al-Nasara. Pourquoi les ulama ont expliqué que parce que al-Yahoud, ils ont le ilm, ils ont la connaissance des règles de la religion d'Allah. Ils connaissent les règles, ils connaissent le tawhid, ils connaissent beaucoup de choses des prophètes et de toutes ces choses-là. Pourtant, ils n'appliquent pas ces règles-là et ils font tout pour contredire et désobéir le prophète. Voilà, ce sont al-Nasara. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas l'aqidah comme il faut, ils ne connaissent pas le tawhid. Ils ne connaissent pas les règles de pureté, ils ne connaissent pas les règles d'impureté, ils ne connaissent pas les choses de ce genre. Donc, en ce qui concerne les règles de l'islam, ils sont ignorants, donc à cause de leur ignorance, ils ont dévié. Et c'est pour ça qu'ils sont ballons, ils sont égarés. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, suivez cette voie qui est droite, et suivez pas cette voie, la voie des juifs, mais la voie des chrétiens, et c'est pour nous montrer l'exemple. Et Ibn Taymiyyah, dans un de ses livres, je pense que c'est Al-Wasilatul Kubra, il donne des dizaines et des dizaines d'exemples de Wasatiyatul Islam Baina Al-Adiyan. Comment la religion de l'islam est au juste milieu par rapport aux autres religions. Il donne l'exemple, juste pour vous en donner juste un, l'exemple des juifs, par exemple, en ce qui concerne la pureté. Eh bien, eux, lorsque une goutte d'urine tombait sur un de leurs vêtements, ils croyaient qu'ils devaient la couper pour enlever la partie de vêtements où il y avait l'urine qui était tombée. Et ils urinaient dans une bouteille, ou des choses comme ça, c'est mentionné dans un hadith. Par contre, les chrétiens et les juifs, pour eux, il n'y a aucune règle de pureté. C'est-à-dire, tu peux être, avec toute forme d'impureté sur toi, et malgré tout, c'est pas grave, tu peux prier, tu peux jeûner. Les juifs, par exemple, en ce qui concerne l'émancipation des femmes, eh bien, ils croyaient que la femme, quand elle a ses menstruations, elle doit rester dans une pièce à l'écart, elle ne peut pas toucher à rien, tout ce qu'elle touche durant cette période-là devient impur. Il faut qu'elle se lave d'une façon et qu'elle reste dans une pièce spéciale pendant un nombre de jours. Donc, c'était vraiment ne pas toucher rien qui a à voir avec la femme durant ces règles. De l'autre côté, les chrétiens ont dit, même si la femme a ses règles, on peut tout faire avec elle. Même les rapports charnels, même les autres choses, il n'y a aucune limite de règles en ce qui concerne cette chose-là. Ils n'ont même pas considéré ça comme étant une impureté. Alors que dans l'islam, c'est entre les deux. Il n'y a pas cet exemple-là où, par exemple, la femme doit rester à l'écart et ne pas toucher rien. Et l'exemple de ça, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il s'est assis dans la mosquée et il a demandé à Aïcha radhiyallahu anha de lui passer le pain. Et puis, elle a dit à Rasulallah, je suis en état de, j'ai mes règles. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tes règles ne sont pas dans ta main. C'est-à-dire, tes menstruations ne sont pas dans tes mains. Donc, il y a un qui s'empêche de nous donner ce pain ou cette brosse. Un autre exemple aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé au sujet de les règles de la femme, les sahaba sont venus leur demander qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur femme lorsqu'elles ont leur menstruation. Il a dit, faites toutes choses excepté le rapport sexuel. C'est-à-dire, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant leurs règles, ils attachaient un isard autour de leur taille, et puis ils faisaient après tout ce qu'ils voulaient en dehors de ces relations sexuelles, c'est-à-dire la pénétration. D'accord? Donc ça c'est un exemple comment l'islam nous a enseigné la loi sortir, c'est-à-dire de ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Alors, ça c'est un exemple. Et parmi les groupes déviés et les sectes, c'est la même chose. Et ça, on va le voir plus en avançant, Inch'Allah Ta'ala. Oui. C'était les Juifs, c'est-à-dire qui enlevaient une partie de leurs vêtements si une goutte de vin tombait dessus. Non, sur les vêtements. S'ils coupaient un morceau de la peau. Oui, Allahu a'lam, je me souviens plus, mais d'après ce que je me souviens, c'était les vêtements, mais je vais vérifier. J'ai lu ça dans Sahih Muslim, je sais que c'est là-dedans, c'est authentique. Mais couper la. Non, ce n'est pas les musulmans. Ça, c'est juste. En Islam, il n'y a pas cette chose-là. Tu laves avec de l'eau, c'est pas grave. Hein? Donc, ça, c'est un des exemples de l'ouattatri à son Islam. Ensuite, le cheikh il continue et dit ومن المعلوم أن السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم التابعون لهم بإحسان ومن سار على منهجهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن سار على منهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين ولم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أهل السنة والجماعة إلا بعدما ظهرت البدع وتعدت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابه في الظاهر إلى الإسلام ومن هنا كان لابد للحق أن يعرف بأسماء تميزهم كان لابد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن غيرهم من أهل الابتداع والانحراف في العقيدة فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من النصوص الشرعية فمن أسمائهم أهل السنة وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر. Donc le chef il explique un point intéressant ici qui est très important à comprendre. Le chef il dit tout le monde sait que ou on sait très bien que Ahlus Sunnah wal Jama'a ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'oun, ceux qui les ont suivis dans le bien et qui ont suivi leur manhaj et qui ont parcouru la même voie que et qui continuent à suivre leur voie jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire tout le monde qui va venir jusqu'au jugement dernier en suivant cette même voie que ces gens-là ont suivi, alors ils seront eux aussi Ahl Sunna wal Jama'a. Et le cheikh il dit, et Ahl Sunna wal Jama'a ne se sont pas donné ce nom-là, excepté après l'apparition des différentes innovations. Et lorsque les sectes et les groupes d'égarements ont commencé, chacune d'entre elles à appeler à leur innovation et à leur bid'a, et à leur passion, alors qu'ils se prétendent en apparence comme étant des musulmans. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, au tout début, au temps des Sahaba, il n'y avait pas de secte, il n'y avait pas de bid'a, parce que tous les Sahaba étaient sur la même voie et sur la même compréhension de l'islam. Hein? Donc, on ne connaît pas parmi aucun des Sahaba quelqu'un qui faisait partie d'une secte, de Moussalia, ou qui faisait partie ou qui avait innové dans la religion d'Allah. Donc, ah. Exactement. Naam, tout le monde, comme tu dis Hamza, c'est exactement dans le sens que lorsqu'il y avait un conflit ou qu'il y avait un désaccord entre deux sahabis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils continuaient à voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une explication, une clarification. Alors, il n'y avait pas parmi les sahabas un qui a fait partie d'un groupe ou d'une secte d'égarement ou une bid'a. Mais lorsque, après le temps de sahaba, des gens sont arrivés, soit par exemple lorsque l'islam s'est répandu, et que l'islam est entré dans d'autres pays par la force, et que les ennemis de l'islam, des gens qui ont accepté l'islam par d'une façon extérieure, c'est-à-dire pour montrer qu'ils sont devenus musulmans, et qui cachaient au fond leur haine contre l'islam, alors ces gens-là, parmi eux, il y en a qui ont essayé d'attaquer l'islam de l'intérieur, hein, parce que c'est sûr que parmi les gens comme les munafiqounes, hein, les hypocrites, lorsque l'islam est arrivé dans leur pays, ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables d'opposer l'islam par la force. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit, bon, la seule façon qu'on peut faire quelque chose pour contre cette religion-là, elle est trop claire, elle est trop forte, alors la seule façon ce serait de rentrer à l'intérieur et essayer de créer des sectes et des divisions pour diviser les musulmans. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, les gens qui font une bid'a, il y a deux possibilités à leur sujet. Soit que ce sont des ignorants, des gens qui ne connaissent pas et qui font quelque chose par ignorance et qui suivent leur passion, ou bien soit que ce sont des hypocrites qui se font passer pour des musulmans et qui font ce qu'ils font intentionnellement pour égarer les gens de l'islam. Donc, c'est toujours un danger en ce qui concerne Al-Muqtadira. Donc, c'est ça. Lorsque les innovations et les débats sont apparus, et que chaque groupe et chaque secte commençait à appeler à son groupe et à sa bid'a, c'était devenu obligatoire et nécessaire par la suite pour les musulmans de se distinguer, pour ceux qui suivent la sunna et le Coran, de se distinguer des autres qui appellent à une bid'a. Et c'est pour ça que les savants et les ulama de cette époque ont amené ces termes, ces différents noms. Il y en a qui sont, c'est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, c'est-à-dire la meilleure génération c'est ma génération, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, la meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc ça c'est les trois premières générations, al-mufaddala, les trois meilleures générations. Et par la suite, bon, il y a des bid'a qui sont arrivés vers la fin de l'époque des Sahaba, ok. Et puis, ces bid'a, quand ils sont apparus, les Sahaba les ont désavoués, les ont dénoncés et ont parlé contre elles, d'accord. Et c'est certain que, à partir de ce moment-là, bon, c'est là que les tabi'ouns et ceux qui les ont suivis par la suite ont établi qu'ils retournent au Coran et à la Sunna et à la compréhension des Sahaba. Et par la suite, ceux qui étaient après les tabi'ouns, ils ont dit la même chose, ils se référaient toujours à ceux qui étaient là avant eux, c'est-à-dire aux Salaf, parce que c'était eux l'exemple dans le Hanif et dans la façon de suivre la compréhension de l'islam correct, selon le Coran et la Sunna. En premier, comme on l'a dit, comme le Cheikh explique, c'est les Sahaba, les Salafs. Ce sont eux, les Salafs. C'est-à-dire les prédécesseurs, le premier, c'est les Sahaba. Puis ensuite, les Tabi'ouns, et aussi rentrent dans les Salafs tous ceux qui ont suivi ces gens-là, jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que tous les ulama qui sont, par exemple, salafis comme Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmad et tous les autres a'immah de l'islam, tous sont des salafs. Même s'ils n'étaient pas parmi les sahaba, mais ils sont venus après les sahaba, mais ils étaient sur la même voie que la voie des sahaba. Donc on dit qu'ils sont des salafs. Mais pour les salafs pour nous, c'est-à-dire c'est eux, mais eux ils sont venus avant nous, les salafs pour l'imam Ahmad par exemple, ou l'imam al-Bukhari, c'était les tabi'ons et les sahaba. Et les salafs pour les tabi'ons, c'était les sahaba. Et le premier des salafs, c'est qui? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui sur qui tout se base, le reste de l'islam vient de lui. C'est lui le prophète, lui le messager d'Allah. D'accord? Donc c'est lui la source, c'est lui la base. Et ça, on va tout expliquer ça tout près. Et ça, c'est juste une introduction. Donc, parmi les noms que les musulmans ont adoptés pour se distinguer des gens de Bid'ah, il y a Ahl Sunnah, وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر. Ces noms-là, ce sont des noms qu'ils ont inventés de nulle part. Ce sont des noms qu'ils ont tirés des textes du Coran et de la Sunna. Ce sont pas des noms qu'ils ont inventés. Et vous allez voir plus loin la distinction, la différence entre ces noms-là et les noms des groupes de Bid'a. Hein? Il y a une grande différence entre les deux. Et comme après le chef il continue, il dit ولكن لما تسمت بعض الطوائف المرتبطة بأهل السنة وهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين وأطلقوا على دعوتهم الدعوة السلفية فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن عرف أو عرف بتمسكه بالكتاب والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها وقد أمرنا الله باتباع الصحابة واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم قال تعالى واتبع سبيل من أناب إليه يقول ابن القيم رحمه الله كل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته أو اعتقاداته وأكبر سبيله والدليل على أنهم منيبين إلى الله تعالى أن الله قد هداهم وقد قال يهدي إليه من ينيب. Ce passage, le chef il dit, lorsqu'il y a des gens parmi des gens de Bid'a qui ont commencé à se nommer eux-mêmes comme étant Ahl Sunnah ou comme faisant partie de Ahl Sunnah, et comme ils ont, certains groupes ont prétendu eux aussi de croire, d'avoir les croyances de Ahl Sunnah, alors ils ont limité, ou ils ont rendu leur, ils ont, oui c'est ça, lorsque ils ont, il y a des gens qui ont fait, qui étaient parmi les gens de Bid'a, ont commencé à s'appeler eux aussi Ahl Sunnah wal Jama'a, et on va parler de ce qui, par exemple, je vais vous donner des exemples, mais le chef il va expliquer, donc je vais attendre, pour être un peu patient, Inch'Allah. Non, donc, ils se sont appelés Salafiyoun. Ils se sont appelés Salafiyoun pour se distinguer de ces gens-là qui se sont appelés Ahl Sunnah, alors qu'ils n'étaient pas parmi Ahl Sunnah. Et le chef il dit, wa utliqu ala da'watihim ad-da'wat as-salafiyya. Et ils ont appelé leur da'wa ad-da'wat as-salafiyya. Donc, ils ont limité ou ils ont restreint la façon de suivre le Coran et la Sunna, ils l'ont limité par la compréhension des salafs, as-salih. Hein? Donc, si vous allez voir n'importe quel groupe, ou n'importe quel firqa ou jama'a, des gens de Bid'a, vous leur demandez, qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre l'islam et faire partie de Ahl Sunna wal Jama'a, ils vont tous vous dire, il faut suivre Al-Kitab wa Sunna. Donc, si vous allez voir un mu'tazili, il va vous dire il faut suivre le Coran et la Sunna. Si vous allez voir un chi'i, il va vous dire il faut suivre le Coran et la Sunna. Si vous allez voir un soufi, il va vous dire il faut suivre le Coran et la Sunna. Mais lorsque tu le limites en disant selon la compréhension des salaf de cette umma, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in, alors là, ça vient mettre une porte, ça vient les bloquer complètement, parce que là, on ne peut pas retourner à une compréhension, à n'importe quelle compréhension du Coran et de la Sunna. On les limite et on les restreint en disant, vous devez revenir à la compréhension du Coran et de la Sunna, mais quelle compréhension? La compréhension des salaf. C'est pas la compréhension des soufis, c'est pas la compréhension des Mu'tazila, c'est pas la compréhension des Khawarij, c'est pas la compréhension des autres groupes de débat qui sont apparus par la suite, c'est uniquement la compréhension des salaf salaf. Non. À l'époque des salafs, comme je t'ai dit, il n'y a pas de sahaba qui faisait partie des gens de là. Hein? Et les sahaba, ce sont eux les salafs. Les khawarij sont apparus au sein, à la fin de, au début de Khilafah de Ali, durant la Khilafah de Ali ibn Abi Talib. Et même au temps du prophète, il y avait le premier Khariji, c'est celui qui a dit au prophète, il y a Mohammed Adel, il a dit sois juste parce que tu n'as pas été juste. D'accord? Mais lui, ce n'était pas un Sahabi parmi les Sahabas, c'est-à-dire, lui, c'est un bédouin. Donc j'ai appelé le cheikh Falah Ismail pour lui poser la question à ce sujet. Il m'a dit que, yani, je lui ai posé la question, est-ce que Zul Khuwaysira c'était un munafiqin, un parmi les munafiqin? Il m'a dit oui, c'était un parmi les munafiqin pour avoir dit une chose pareille. Et donc les sahaba, radiyallahu anhum, il faut toujours mentionner le bien à leur sujet et cacher, et c'est-à-dire ne pas mentionner les fautes qu'ils ont. Parce que peu importe quel péché ils peuvent avoir fait, ils peuvent avoir fait dans leur vie, et bien le bien qu'ils ont fait et le fait qu'ils sont parmi les premiers croyants et les efforts qu'ils ont fait pour l'islam et le djihad qu'ils ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et de sacrifices pour la religion, etc. Et donc tout ça fait en sorte que on n'a pas le droit de mentionner leurs fautes ou leurs péchés ou leurs défauts. Hein? Et qu'ils ne sont pas infaillibles en tant qu'individus. Hein? Chacun d'entre eux n'est pas infaillible. Il se peut qu'il y ait parmi eux qui font des péchés et des fautes. Mais ces péchés-là, on ne les mentionne pas. Puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner le paradis, puis de les pardonner, puis de leur effacer ces fautes et ces péchés-là. Et on les suit dans le bien, bien sûr. Oui, c'est ça, même s'il l'a vu quelque peu. Ouais, il y a des milliers de sahaba. Et c'est pour ça, lorsqu'on dit Omar ibn Khattab, Abu Bakr al-Siddiq, Othman ibn Affan, tout ça, ça c'est le grand parmi les grands parmi les sahaba. Et c'est ça. Est-ce que c'est ça? Non, parmi les ulama, parmi les. يعني العشرة المبشرين لذلك أفكر البروفيسور صلى الله عليه وسلم قامي لطحدي إذا كان القرآن بصورة الحجرات ذلك أردت أن أفعل الدين قالت الأعراب آمنا لبدوان أنزي نزغون خلص قل لا تؤمنوا ولا تنكونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ذلك أنا خلص ذلك من شمسوني. Parce que la foi n'est pas encore entrée complètement dans votre cœur. Hein? Donc, c'est sûr que parmi les bédouins, c'est des gens qui étaient nouveaux dans l'islam, et ils disaient, nous croyons, en voulant se comparer aux premiers qui ont combattu avec le prophète, qui ont cru à Mecque, qui ont fait le Hijra, qui ont fait la bataille de Badr, et qui ont fait Uhud et tout ça. Ces gens-là ont beaucoup souffert, ils ont dépensé beaucoup de leur effort et de leur temps dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et eux, ils viennent de se convertir et puis ils pensent que ça y est, nous on est égaux avec ceux-là. Il n'y a pas de comparaison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même vu au sujet des gens de Badr, c'est-à-dire ceux qui ont participé à Badr, il disait, faites ce que vous voulez parce que Allah il vous a pardonné. C'est-à-dire. Al-Sahabi qui est le moyen de Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah, Allah fi ashabi, Allah, Allah fi ashabi, la tastakhidhu, tout en voulant dire, le but du hadith, c'est quoi? لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيفا. C'est-à-dire, craignez Allah pour mes sahaba, c'est-à-dire en ce qui concerne mes sahaba. Si l'un d'entre vous donnait une quantité d'or semblable à la montagne de Uhud, en sadaqa, en offrande ou en charité, vous ne pouvez même pas comparer cette quantité-là à une poignée des sahaba, à la quantité d'une poignée de main, de la même quantité, la quantité d'une poignée de main d'un sahabi, ni même la moitié de cette quantité-là. C'est-à-dire, la quantité d'une poignée de main de qu'est-ce qu'un sahabi donne, ça vaut plus que la quantité de Uhud en or que l'un d'entre nous pourrait donner. Et donc, on ne peut pas se comparer, on ne pourra jamais se comparer à un sahabi. Et c'est pour ça que, l'imam Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'une personne, on lui a dit au sujet d'une personne, on lui a dit, cette personne dit que Omar ibn Abdul Aziz, qui était un des khulafas qui est venu après, les quatre premiers khulafas et après Muawiya, il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce n'est pas un sahabi, mais c'est un tabi'i. Donc, une personne disait, Omar ibn Abdul Aziz était meilleur que Muawiya. Parce qu'il était Dieu, il a régné dans son époque, il a dit qu'il a régné, on dit qu'il régnait avec justice et qu'il était parmi les ulama et qu'il aimait les ulama et tout. Donc, cette personne-là avait osé dire que Muawiya, que Omar ibn Abdul Aziz était meilleur que Muawiya. Imam Ahmad a dit, cette personne-là, ne lui parlez pas, ne mangez pas avec lui, et coupez-le complètement. Ayez aucune relation avec cette personne, c'est un innovateur. Donc ça veut dire, imaginez si une personne de ce genre-là, c'est juste pour comparer, pour avoir comparé un sahabi avec un autre qui n'est pas un sahabi, malgré qu'il était pieux, il n'y a aucune comparaison entre les deux, d'accord? Donc, c'est un point important que le frère a mentionné en fait. Non, parce que les Sahaba, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des formes d'adoration de cœur, c'est-à-dire des adorations du cœur, des niveaux de foi que personne d'autre après ne pourra jamais atteindre. Dans le sens que, subhanallah, imaginez que durant 10 ans ou 13 ans à Mecca, il n'y avait aucune obligation d'appliquer quoi que ce soit des règles de l'islam, excepté la salat qui est arrivée en premier, qui est arrivée à Mecca. À part ça, il n'y avait aucune autre règle. Il n'y avait pas beaucoup non plus d'interdictions à suivre. La seule chose que c'était de faire, c'est de désavouer de l'idolâtrie et du mushrikin. Et d'appeler les gens à la ilaha illallah. Et ceux qui ont enduré et souffert uniquement pour cette shahada, au tout début. Puis, ceux qui sont venus par la suite. Donc, c'est sûr qu'une personne qui est venue, qui est devenue musulmane, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, pour lui, il avait beaucoup plus de choses à appliquer, de l'islam, mais son mérite vis-à-vis des efforts la personne qui avait affaire auparavant n'est pas pareil. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى يقول: ils ne sont pas égaux ceux qui ont donné de leur bien avant la conquête de sa maître et qui ont combattu avec par rapport à ceux qui ont donné de leur bien et qui ont combattu par la suite. Donc, ceux qui ont fait ça en premier, c'est-à-dire avant la conquête, ceux-là sont plus hauts et plus élevés en degré que ceux qui sont venus après. Mais pour les deux, Allah dit dans le Coran, wa kullan wa'ada Allah al-husna. Pour les deux, Allah subhanahu wa ta'ala a promis le bien, c'est-à-dire la bonne récompense, la bonne fin. Donc pour les deux, peu importe que ceux qui sont venus après, mais il faut comprendre qu'il y a, des degrés entre eux. Ils ne sont pas tous au même niveau. Mais le Cheikh va expliquer ça encore plus tard. Là, qu'est-ce que je lis maintenant là? C'est l'introduction du livre, parce qu'on n'est même pas encore commencé le livre. Donc, il veut juste vous mettre en situation. C'est ça qu'il fait, le Cheikh. Donc, comme je disais, ils se sont donné ce nom-là, qui s'appelle As-Salafiyya, pour se distinguer de des autres genres de bid'a, par exemple. Comme par exemple, lorsque vous voyez, par exemple, que les gens qui se prétendent suivre, qui se déclarent être ceux qui suivent Al-Asha'ira, Abul Hassan Al-Ash'ariya, ils se disent comme faisant partie de Ahl-Sunnah Al-Jama'a. En fait, ils disent que ce sont eux Ahl-Sunnah Al-Jama'a, ils disent que c'est eux Ahl-Sunnah Al-Jama'a et non les autres. Hein? Alors que pourtant, alors qu'ils suivent une voie de bid'a, une voie de balade, dans le sens qu'ils nient certains des attributs d'Allah, et ils ont des bid'a aussi dans le qadar, ils ont des bid'a dans beaucoup d'autres aspects de la foi. Yani. Donc, c'est pour ça que c'était nécessaire de spécifier et de clarifier qu'il faut se limiter à la compréhension des salafs de cette umma. Le chef, il dit, نعم. Donc, فقيد اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. Donc, ils se sont limités à, c'est-à-dire lorsque c'est une question de suivre le Coran et la Sunna, ils se limitent à la compréhension des salaf salih parmi les sahaba et les tabi'in et de ceux qui les ont suivis dans le bien, parmi ceux qui ont été connus comme étant les gens qui s'accrochent à la sunna et qui sont des imams dans la sunna et qui s'éloignent des bid'ah et qui avertissent les gens contre celle-ci, contre les bid'ah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de suivre les sahaba et de suivre leurs traces et leur manhaj. Le verset que le Cheikh mentionne comme preuve, c'est « وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ » Ça, c'est Sourate Luqman, le verset 15. « Et suit la voie de ceux qui se sont repentis, qui sont retournés vers moi en repentance. » Et Yaqul ibn al-Qayyim al-Jawziya, ibn al-Qayyim il dit « Chacun des Sahaba retourne en repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc, il est obligatoire de suivre leur voix et leurs paroles et leurs croyances. Et la preuve de cela, la preuve que ce sont tous des repentants à Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah les a guidés, se trouve dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ » et il guide vers lui ceux qui se repentent. Ceux qui retournent vers lui en repentance. Et ça, c'est dans Surat Tawba. Non, attends. Je ne mentionne pas. Surat Shura, mais c'est mentionné dans le livre d'Ibn al-Qayyim, Alam al-Muwaqqi'in. Après, il dit وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الصَّحَابَ وَعَنْ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ قال تعالى الله سبحانه وتعالى إلى أن تفسد الصحابة من القرآن الله سبحانه وتعالى دي سجد الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم Allah subhanahu wa ta'ala, il glorifie les Sahaba dans ce verset. Il dit, et les tout premiers parmi les Muhajirin, ceux qui ont précédé, les tout premiers parmi les Muhajirin et les Ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et Allah a promis et a préparé pour eux des jardins sur lesquels les ruisseaux coulent. Et ils y demeureront éternellement. Et voilà l'énorme succès. Hein? Donc, si on sait que Allah a été satisfait d'eux et qu'eux sont satisfaits de lui, et que c'est ça leur récompense, donc la façon d'avoir nous aussi cette récompense, c'est de suivre leur chemin et de suivre leur voie et de marcher sur la même route que eux, sur laquelle eux ont marché. Après le chef il dit فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين إذ أن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة فهم السلف الصالح وهم أهل السنة فكما يصح لنا القول السني نسبة إلى أهل السنة يصح لنا القول السلفي نسبة إلى السلف ولا فرق donc le cheikh il dit et ce n'est pas une bid'a ou ça fait pas partie des bid'a d'appeler أهل السنة والجماعة ou de dire qu'ils sont as-salafiyoun pourquoi parce que les deux terminologies ont la même signification, ils ont complètement ou totalement la même signification tous les deux. Et les deux, c'est-à-dire les deux terminologies, que ce soit Ahl Sunnah wal Jama'a ou As-Salafiyoun, ils se rassemblent toutes les deux dans la définition, c'est-à-dire qu'ils se rapportent toutes les deux aux Sahaba. Donc, quand tu dis As-Salaf, As-Salih, et quand tu dis Ahl Sunnah, eh bien, tous les deux se sont en premier les Sahaba. Et le chef, il dit, et de la même façon qu'on a le droit de dire à propos de quelqu'un qui est sunni, parce qu'il adhère à la sunna, eh bien, c'est permis aussi de dire d'une personne qui est salafi, parce qu'il adhère au salaf. Et il n'y a aucune différence entre les deux. Et le chef, il réfère ici au livre, Manqif Ahl Sunna, un Ahl Bida. Exactement. Si quelqu'un n'adhère pas au salaf, eh bien, il n'est pas sunni. Et ça, c'est une chose qui, c'est un petit détail qui est important à comprendre. Parce que quelqu'un peut dire, par exemple, qu'il est soufi, et la plupart des gens aujourd'hui disent, que les soufis sont du sunni. C'est-à-dire, et si tu vois, par exemple, les kharij, ils disent qu'ils sont du sunni. Vous voyez les mu'tazila, ils disent qu'ils sont des sunni. Et si vous voyez des Qadariyya ou d'autres parmi ces gens-là, ils disent qu'ils sont des sunnis. Vous allez voir le plus grand des soufis, comme Kiso Tijani ou Qadiri ou Naqshbandi ou n'importe quel autre tariqa, et vous lui demandez, est-ce que tu es sunni? Il va dire, oui, je suis sunni. Pourquoi? Parce que les gens, ils disent maintenant, ou ils pensent que, depuis que tu n'es pas chien, c'est-à-dire, depuis que tu n'as pas fait précéder Ali, radiyallahu anhu, devant Abu Bakr et Omar, donc tu es sunni. Ça veut dire que le premier c'est Abu Bakr, le deuxième c'est Omar, le troisième c'est Osman, le quatrième c'est Ali. Tu as dit ça, c'est sunni. Mais celui qui a dit Ali c'est le premier, il a fait une bid'a, c'est-à-dire parce qu'il a placé Ali devant Abu Bakr et Omar et Osman. Donc ça c'est une bid'a, c'est un chiite qui a fait ça. Mais les gens ils pensent que depuis que tu ne dis pas ça, c'est sunni. Donc tu peux être dans toutes les autres bid'a. Tu peux être ash'ari, tu peux être soufi, tu peux être mu'tazili, tu peux être n'importe quel autre des bid'a qui existe là. Et tu peux faire partie d'une tabligh, tu peux faire partie de ikhwan ou muslimin, et tu peux être sururi, et qutbi, et toutes les autres jama'at, et après, ils te disent quoi? On est sunni. Alors, yani, tu vois, on voit tout de suite qu'en réalité, cette façon de se déclarer comme étant sunni, ça ne suffit pas. pour s'éloigner ou s'enlever de nous-mêmes cette description-là de bid'ah. D'accord? Et c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'on est salafi, ça vient spécifier que même si ces autres groupes-là, les bid'ah, que ce soit les anti des autres, on les rejette. La vraie définition d'un sunni, un vrai sunni, c'est un salafi. C'est ça que ça veut dire. Et ça a été expliqué par un des salafs. Oublie pas ton idée. Quand je viens, raconte-toi là, parce que j'ai juste marqué un point. Un des salafs, Abu Bakr ibn Ayyash, on lui a demandé qui est le sunni. Même le sunni. Il a dit, هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها أو لم يغضب لشيء منها. On lui a demandé à cet imam qui est le sunni. Il a dit, c'est celui que lorsqu'on lui mentionne les bid'ahs, les ahwa, il se fâche pour aucune d'entre elles. Hein? Il ne va pas se fâcher pour essayer de les défendre. Hein? Donc aujourd'hui, par exemple, tu vas voir, si tu vas commencer à critiquer le soufi, à devant un soufi, il va commencer à se fâcher et à essayer de les défendre. Si tu critiques Al-Ash'ari devant Al-Ash'ari, il va essayer de les défendre. Si tu critiques Al-Shi'a devant les Shi'a, il va essayer de les défendre. Si tu critiques un Ikhwan devant Ikhwan Muslimin, si tu critiques Khotob ou Hassan al-Banna ou des gens de cette catégorie-là, ben, ils vont essayer de les défendre et essayer de dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils vont essayer de trouver des excuses pour eux. Donc, ça montre que tu vois tout de suite qui est le soumis quand tu parles des gens de bid'ah devant eux, et ça c'est le soumis. Et c'est comme ça que les salafs avaient compris la définition de ce que signifie être un vrai soumis. Et donc ça c'est exactement la définition d'être un salafi. Ça c'est ce que je veux dire. Non. C'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui faisait le tablir. Ma alayka illa al-balar. Le tablir, ça vient de l'balar, c'est la transmission du message, et de donner le message. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pas ça. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas de faire le tablir. On doit tous faire le tablir. Tout le monde. Ça veut dire dans le sens qu'on doit tous transmettre le message de l'islam aux gens. Mais en ce qui concerne suivre le groupe qui s'appelle Jama'at Tablir, fondé par Mohamed Elias Al-Kandahlawi en Inde en 1928, hein, et qui était un soufi de la tariqa d'Istia, et qui suivait cette tariqa et qui faisait plein d'autres bid'ahs de ce genre, qui s'assoyait au bord d'une tombe pendant des heures pour réfléchir, pour essayer de rentrer en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala directement, ou de croire à Wahdat al-Wujud, ou toutes ces autres croyances de bid'ahs, yani. Alors là, ça c'est autre chose complètement. Et de dire que si tu veux être un da'ya et que tu veux faire le da'wa, il faut absolument que tu sortes 40 jours et que tu ailles de mosquée en mosquée ou de voyager d'un pays à l'autre et de commencer à faire le bayan et de suivre les 6 points et de ne pas parler de tawhid al-uluhiyya et de ne pas avertir les gens contre le shirk et de ne pas avertir les gens contre les bid'ahs et de se limiter uniquement à lire, établir une table qui est remplie de hadiths qui sont maudoua, et de rester dans l'ignorance, et d'avertir les musulmans contre les savants, et de les éloigner des savants, et de les avertir, yani, contre les salafis, et de ces choses-là, alors là, tu vois que de suivre la da'wah de tablir, c'est complètement opposé à la voie des salafis, même, ou de l'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et si tu vois même leur tariqa, ils ont des bay'a dans leur groupe, ils ont une bay'a à l'amir de cette jama'a, et ils doivent faire une bay'a à 4 turq parmi les turq soufiya, al-Sahawardiya, al-Chistiya, al-Naqshbandiya, al-Shabiyya. Et c'est les 4 turq à laquelle ils ont prêté allégeance. Turq, c'est une tariqa. Ça, c'est tariqa, ça signifie quoi tariqa? Ça signifie une voie. Pardon? Ben, tu dois l'accepter sans dire quoi que ce soit. Et cette forme de bay'a, elle existe dans l'islam uniquement pour les dirigeants des musulmans. elle n'existe pas pour autre que lui. Donc, le fait de donner des bay'as de ce genre-là à un chef ou à un chef d'un groupe, tout ça c'est bid'a, tout ça c'est contraire à la sunna. Al-Shaziliya, ouais, Jama'a al-Shaziliya, Al-Sahar-Wardiya, Al-Sahar-Wardi, il a été discuté. Il prétendait qu'il pouvait devenir un prophète. Il demandait à Allah dans son dua de le faire devenir un prophète. Il croyait que en méditant puis en réfléchissant, il pouvait atteindre le niveau de prophétie. Ah ouais, lui aussi il croit ça. Bon. Ah oui, Rachid Khalifa, Dajjal. Il a existé, ça fait longtemps. Il est mort, hein. Ça fait longtemps qu'il est mort, Rachid Khalifa. نعم طيب إن شاء الله عليك السلام الله نقشبندية الشاذلية سهر وردية والجستية الجستية في نقشبندية نقشبندية نقشبندية عليك السلام ورحمة الله إذن الموكي إذن الموكي سواء عمي الفاحش والدخاص في أولى Ils suivent le cheikh, leur cheikh là, Hicham. Non, Al-Ahbash et Salahuddin. Eux, ils sont, eux, Al-Ahbash, ils sont sur la tariqa soufia qui s'appelle Al-Rifa'iyya. Donc, la tariqa Al-Rifa'iyya. On va en reparler, Inch'Allah. Mais pour revenir, ouais. Naqshbandiya. Naqshbandiya, c'est le chef, leur chef il s'appelle Nazim, Cheikh Nazim, c'est internet. Il est d'origine de Qubrus. Qubrus. C'est une ville. Ouais, ben dernièrement, là, ils ont mis une affiche à l'Université de Montréal, je passais là-bas, tu voyais, ils ont mis une photo de leur chien. Ah, moi, quand je le vois, je me disais. Moi, quand je suis passé, je les ai tous arrachés, mais je suis revenu la semaine d'après, ils en ont mis de double. Alors j'ai encore, subhanallah, ça c'est des gens qui appellent les gens carrément au shirk billah. Donc, il y a des égarés. Turuk-là. Ouais, ils ont toutes ces turuk-là, ils ont des croyances de bid'a et de shirk. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre là, c'est que c'est pas à tous les gens qu'ils demandent de suivre ces turuk. C'est seulement aux élèves et aux gens qui sont avancés dans le groupe. Ouais. Puis aussi, ils n'obligent pas à chaque personne qui entre avec tablier d'être un soufi. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le tablier, tu peux avoir l'idée et les croyances que tu veux. En fait, eux, tablier, ils ne s'occuperont même pas de ta croyance personnelle. C'est ce qu'ils font, c'est que tu rentres dans leur organisation de da'wah pour te regrouper. Une fois que tu es avec eux, tu peux croire et penser et avoir ce que tu veux dans ta tête. Eux, ça ne les dérange pas tant que tu respectes les règles et les conditions de leur groupe. Tu peux faire ce que tu veux en dehors. Donc, ça, c'est ça qui est. Mais, quand quelqu'un avance dans le groupe avec eux, et là, il devient à un niveau plus élevé, puis là, etc. Juste, j'avais un frère qui était allé 40 jours, il était obligé de suivre ce que les gars lui disaient. Exactement. Ouais, ils font même amir pour quand ils marchent dans la rue, s'ils font froid, il faut que ça aille un que ce soit amir et l'équipe de tout, en tout cas, Allah musta'an. On va continuer juste pour clarifier un point avant de continuer. Le terme tariqa, d'où est-ce que ça vient? C'est parce que les soufis, hein, ils ont dit la charia, ça veut dire un chemin, d'accord, une voie acquise. Les soufis, ils ont dit, la charia, c'est pour les gens du commun, les musulmans ordinaires. Ceux qui ont compris la réalité de la réalité de l'islam, eux, ils ont dépassé ce niveau de charia, des règles communes. Ils sont arrivés à la réalité, donc ils suivent une autre chose qui est la tariqa. Et après la tariqa, il y a une autre chose aussi qui s'appelle al-haqiqa. Et al-haqiqa, lorsque tu l'as connu, tu n'as plus besoin de te connaître ou de suivre la charia. Tu as un niveau dépassé ce niveau-là. Donc, pourquoi la prière, le jeûne et toutes les autres choses sont plus obligatoires pour toi, pour vous. Non, hein, beaucoup d'entre eux croient ça, exactement. Des fois, lorsque tu atteins un certain niveau de foi et de religion, il n'y a plus aucune chose qui est obligatoire pour toi dans la religion d'Allah. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pour ça qu'il se base. Ouais. Il y a fin, ils ont atteint il y a fin, c'est-à-dire la construction. Donc, où est-ce qu'on était rendu? Non. Non. Ça va mal. نعم كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف فذلك tout le bien vient de suivre dans le fait de suivre les salaf et tout le mal vient dans les innovations de ceux qui ont suivi al khalaf c'est ceux qui sont venus après comme si tu dis salaf c'est ceux qui sont avant al khalaf ceux qui sont venus après donc tout le mal vient des innovations de ceux qui sont venus par la suite hein. Et le plus étonnant, c'est que cette parole-là vient des paroles d'un Moubtadi. Il y a un troisième phrase, c'est quoi? Oui, c'est ça. Donc ça, je ne pense pas. Oui, Moubtadi Salih, min man salaf. Ah ok, ça veut dire celui qui suit la personne qui celui qui suit les pieux fait partie des salafis aussi. Nous même salaf, ça veut dire les un dans parmi eux. Okay, la troisième, c'est une autre chose que le cheikh a rajouté qui ne fait pas partie de cette chose. En fait, c'est un des vers, c'est parce que il y a un livre de Aqida qui est enseigné à l'Azhar, et cette Aqida qu'ils enseignent là-bas à l'Azhar, c'est l'Aqida Ash'ariya, c'est-à-dire l'Aqida qui est basée sur la Bid'a. C'est la même Aqida que les Ahbash et les autres. Et cette Aqida qui est enseignée à l'Azhar, eh ben, il y a ce livre-là qui les étudie, c'est un livre qui a été mis en poème, en forme de poème. Et ces deux vers-là font partie d'un de ces poèmes-là. Et malgré que le gars est un moutadien, celui qui l'a écrit, mais il a quand même cité ça, et c'est une preuve contre lui, subhanallah. Donc le ulama mentionne souvent ça, même Cheikh Al-Albani, il citait toujours ça comme exemple, pour dire, c'est bizarre comment une personne y arrive parfois pour montrer des exemples de choses qui sont contre lui. C'est quand même qui sont contre lui. Donc, où est-ce qu'on était rendu? Donc, c'est, ah oui, Tariqa, donc, on a parlé de ça, nous t'es rendu à l'explication de que c'était permis de s'appeler Salafi. Comme on pouvait s'appeler Soumou, on peut s'appeler Salafi. Quelle heure il est maintenant? Vous avez vu? Ok, on a encore, on va continuer encore, jusqu'à. Ok. Donc, le chef, il dit par la suite, وَإِنَّهُ بَعْدَ وُجُودِ السِّرَقْ وَحُسُولِ الْإِسْتِرَقْ أَصْبَحَ مَبْلُولُ السَّلَفِ مُنْطَبِقًا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة وأن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. Donc le chef il explique, il dit que après les divisions et les groupes qui sont apparus par la suite, le terme salaf est devenu un signe ou s'applique à ceux qui ou à celui qui garde une aqida propre et un manhaj qui est en accord avec la compréhension des Sahaba et des trois premiers siècles préférés. Et donc le terme salaf est synonyme des autres noms qui sont légaux comme Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Et le da'wah l'appel à suivre les salafs ou la da'wah salafia, en réalité c'est uniquement un appel à suivre l'islam correct tel qu'il avait été envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tel que les sahaba l'ont accepté et l'ont compris et l'ont suivi. Donc c'est comme si on dit par exemple que il faut suivre le groupe qui était uni avant que les divisions apparaissent. Hein, il faut revenir au groupe mère, au groupe fondateur. Hein, c'est-à-dire les sahaba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort et il a laissé les sahaba unis. Et c'est uniquement après eux que les divisions sont apparues et ont commencé à se répandre. Donc, les salafiyoun, ils appellent les musulmans à revenir à cette compréhension-là et à cette unité première. Et c'est ça que beaucoup de gens de Bid'a comprennent pas parce qu'ils disent, vous, les salafis, vous divisez les musulmans. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent qu'ils voient que nous, on crée des divisions en mentionnant les divergences et les différences entre les groupes et les sectes et les gens d'innovation. Donc pour eux, ça c'est une division. Et pour eux, le fait de vouloir unir les gens, ça voudrait dire qu'on doit se taire et ne pas parler des différences et ne pas parler des divergences et juste essayer de rassembler tout le monde ensemble comme un corps et faire semblant qu'on est tous pareils. Donc, eux, ils disent, vous divisez les gens. Alors qu'en réalité, on appelle les gens à revenir à l'unité première, à comprendre l'islam et à suivre l'islam tel qu'il avait été compris et tel qu'il avait été pratiqué par les premiers parmi les musulmans. Donc, c'est ça le point que le chef a fait expliquer. Et le chef, il continue, il dit, voilà, chacun en a dit, da'wah tu haq, wa l'intisabu ilayha haq, yaqulu chef l'islam, ibn Taymiyyah rahimahullah, لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. شيخ الإسلام ابن تيمية en fait le chef il dit il n'y a pas de doute que cette da'wa est une da'wa de vérité et d'appartenir à cette da'wa Et ça fait partie de la vérité aussi. Et le chef Ibn Taymiyyah a dit, dans une citation à lui, qu'il n'y a aucun blâme et aucun mal pour quelqu'un d'exprimer ou de faire partie du mazhab ou de la voie des salafs. Et de prétendre appartenir et d'adhérer au salaf ou à la voie des salafs. Et d'avoir la fierté de faire partie de cette voie. Et même le chef il dit que c'est même obligatoire, il dit bal yajib qabul dhalika minhu, et c'est obligatoire de l'accepter de cette personne lorsqu'elle dit qu'elle suit la voie des salafs. Pourquoi? Parce que la voie des salafs ne peut être que la vérité. Hein? Et lorsqu'il dit que c'est obligatoire d'accepter de cette personne, ça veut dire qu'on ne peut pas blâmer une personne ou rejeter cette appellation-là, et si une personne le prétend, on doit l'accepter. Par contre, bien entendu, si une personne le prétend et qu'il arrive avec des principes ou des règles ou des choses qui vont en contradiction avec les fondements de la sunna, alors automatiquement c'est clair que cette appellation-là va pas s'appliquer à cette personne. وَقَدْ كَانَ الْأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الْأَطَرِ الْكَبِيرِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى السُّنَّةِ وَالْعَوْدَ إِلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ ومنهجهم والاقتداء بهم ومن هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن عاصم وابن أبي عاصم والأصبهاني والآجري وغيرهم ثم شيخ الإسلام وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده ممن أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح ويقاوم كل تيار بدع يخرج عن هذه الأسس وقد أطلقت وقد أطلت في بيان هذا الأمر وتوضيحه لأننا نسمع ونقرأ من يطعن في السلفية والتسمي بها ويدعي أنها حزبية وأنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة وقد يقول البعض أن مؤسس السلفية هو محمد بن عبد الوهاب. Donc, le cheikh il explique ici, il dit que les imams de Ahl-Sunna al-Jama'a ont eu un grand impact ou un grand effet dans l'appel à la Sunna et dans le retour vers la voie des salafs et à leur manhaj, c'est-à-dire leur méthodologie, leur façon de comprendre l'islam, et de se baser ou de suivre les salafs. Et parmi ces imams, il mentionne l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, qui a écrit Al-Muwatta, et l'imam Al-Shafi'i qui a écrit Al-Risala, et beaucoup d'autres livres, l'imam Ahmad qui a écrit Al-Musnad, et qui a écrit Usul al-Sunnah, et beaucoup d'autres livres dans lesquels il récite les gens de Bid'a, et l'imam Ibn Khuzayma qui a écrit son livre de récitation contre Al-Jahmiya, et Ibn Abi Asim qui a écrit son livre Al-Sunnah, et aussi l'imam Al-Asbahani qui a écrit Al-Mahajja, fi bayan Al-Hujja, fi bayan Al-Mahajja, un autre livre qui récite les gens de Bid'a. Al-Jurri qui a écrit son livre Al-Sharia dans lequel il récite aussi les gens de Bid'a, Thumma Ibn Taymiyyah wa talamidhahu, et ensuite Ibn Taymiyyah et ses élèves ont récité aussi les gens de Bid'a et ont suivi cette voie vers la Sunna, comme parmi ses élèves Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il a une grande quantité de livres dans lesquels il récite les gens de Bid'a, par exemple, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, ça veut dire le rassemblement des troupes islamiques, des armées islamiques. Et quand on entend le titre, on pensait que c'est un livre qui parle de guerre, alors qu'en réalité c'est un livre qui parle de Aqidah. Et c'est un livre qui récite en fait toutes les idées des gens de Bid'a. Et de qui il parle en disant les armées islamiques, il parle des ulama de l'islam et à partir du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui ont affirmé les attributs d'Allah, il les mentionne un après l'autre en mentionnant leur citation et leur parole. Donc ça c'est un de ses livres. As-sawa'iq al-mursala ala al-jahmiya wa al-mu'attila, la foudre envoyée sur les jahmiya et les mu'attila, ça c'est un autre de ses livres aussi. Dans lesquels il récite les gens de Bid'a. Et il en a encore comme ça beaucoup, beaucoup d'autres. Non, ça c'est Ibn Qayyim, ça c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Tandis qu'Ibn Taymiyyah, lui, subhanallah, il en a encore beaucoup d'autres, qui peut-être même plus, puisque c'est le chef d'Ibn Qayyim. Ibn Qayyim a une qasida, une poésie qu'il a composée, qui s'appelle Intisar al-Firqat al-Najiyah. Al-Mansoura, la défense et pour donner la victoire au groupe sauvé et au groupe victorieux et au groupe sauvé. Et on l'appelle Al-Mouniya. Parce que dans ce poème, tous les vers finissent par la lettre M. Donc, à cause de ça, on l'appelle Al-Mouniya. Et il y a 6000 vers. 6000 vers. Et subhanallah, il a récité les gens de Bid'a d'une façon, subhanallah, même dans ses autres livres dans lesquels il écrit, c'est-à-dire de façon normale, pas en forme de vers, et bien dans ce livre-là, il y a parfois plus de détails, plus d'exemples, plus de clarifications que dans ces livres dans lesquels il écrit ordinairement, comme on écrit de façon ordinaire. Donc c'est un livre vraiment puissant pour réciter les arguments des gens de Bid'a, et puis c'est très beau aussi, même la récitation de cet homme-là, il est bien, bien, bien composé, mashallah. Donc il y a ces livres-là parmi les livres de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Parce qu'il y a parmi des gens, aujourd'hui, j'ai remarqué parmi une certaine tendance de ces jeunes-là, qui se disent salafis, mais qui suivent des groupes comme Sourouliya et d'autres, Al-Qutubiya, j'ai trouvé que parmi eux, ils mettaient de l'emphase ou de l'importance sur Ibn al-Qayyim. Comme si en voulant dire, Ibn al-Qayyim, on ne l'aime pas tellement, mais on aime plus Ibn al-Qayyim parce qu'il était plus doux. Donc, parce que c'est ça, il a des livres dans lesquels il a expliqué certaines choses en ce qui concerne l'ibada et des choses de ce genre. Parce qu'Ibn al-Qayyim, avant de rencontrer Ibn al-Qayyim, il était soufi. Et c'est Ibn al-Qayyim qui l'a sauvé du soufisme et qui l'a amené à la sunna. Donc, il a une façon d'expliquer les choses et de parler des choses d'une façon qui est vraiment douce et vraiment d'une façon vraiment mashallah. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Mais parce qu'ils disent pas les livres comme Sawa'a al-Mursala et les autres livres dans lesquels ils récitent les gens de Bid'a. Ils lisent uniquement des livres dans lesquels ils vont parler du cœur. Et les choses de ce genre-là, yani. Donc, c'est juste pour dire que le fait de faire la. Non. C'est pour ça qu'il a des livres qui existent actuellement qu'il avait écrit avant d'être avec Ibn Taymiyyah. Tous ces livres sont. J'ai entendu peut-être un cheikh mentionner qu'il avait dans un de ses livres, peut-être certaines choses, mais la plupart, là, c'est. Sont des livres bien ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire par la suite? Ibn Abdul Hadi. Ibn Abdul Hadi, c'est aussi un autre des élèves d'Ibn Taymiyyah. Lui aussi, il a écrit des livres pour recruter des gens de Bid'a à son époque aussi. Je vais lire le nom de son livre. Je ne sais pas si c'était Afkankil ou. J'ai dit, mais il récite un autre qui s'appelle, comment ça s'appelle là? J'ai oublié le nom, Al-Bakri, un autre. Quelqu'un qui essaie de défendre la visite du tombe ou des choses de ce genre, il essaie d'attaquer Ibn Taymiyyah ou de réciter Ibn Taymiyyah. Et celui-là, justement, il avait attendu après la mort d'Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire tout le temps que Ibn Taymiyyah était vivant, il n'a pas voulu écrire, il n'a pas voulu dire quoi que ce soit. Mais lorsque Ibn Taymiyyah, rahimallah, est mort, là, il en a profité, il a commencé à écrire des livres pour essayer de réciter Ibn Taymiyyah. Alors là, c'est là que son élève Ibn Abdul Hadi et d'autres l'ont récité aussi, mashallah, et ils ont montré que son égarement, c'est un des chouyoukh que les soufis c'est toujours de mentionner comme référence. Là. Non, non, pas non. En tout cas, c'est pas, le prochain cours, je vais vous le dire, Inch'Allah. Il y a Ibn Kathir aussi, qui est un des élèves d'Ibn Taymiyyah, et ça aussi beaucoup de. Ibn Kathir, c'est un des grands élèves d'Ibn Taymiyyah. Tafsir au Coran, là. Ah, Inch'Allah. Mais déjà dans le Majmou al-Fatawa, il y a, je pense, 6 ou 7 volumes sont sur le tafsir. 5 ou 6 volumes sur le tafsir. Et lorsqu'on rentre dans le tafsir de Ibn Taymiyyah, c'est vraiment un autre monde qu'on découvre. Parce qu'il explique les détails du Coran. C'est-à-dire, il rentre dans les détails dans chaque verset, puis il explique les mots, puis les choses d'une façon tellement détaillée et poussée que pour expliquer « Qul huwa Allahu Ahad » il a fait un volume juste pour expliquer « Qul huwa Allahu Ahad » donc c'est juste pour vous dire yani, que et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya il a aussi un tafsir et dans son pour expliquer « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » il a fait 3 volumes juste pour expliquer ces deux ayats là. Donc c'est juste pour vous dire que yani, quand c'est un amala rentre dans le tafsir, il explique des choses, il rentre vraiment dans les détails. Aussi il y a l'imam Zahabi aussi qui était parmi ses élèves. Puis par la suite, ceux qui sont qui les ont suivis, il y a par exemple l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est un des imams de cette da'wa al-mubaraka, qui a ramené cette aqida et le manhaj des salaf en Arabie, alors que les gens l'avaient délaissé et oublié. Et le chef il dit, et la même chose aussi pour ses élèves et ceux qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'autres grands savants parmi les élèves de Muhammad ibn Abdul Wahhab et parmi les élèves de ses élèves aussi. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab, à l'époque où il était au Lévi, il a eu beaucoup d'opposants parmi les soufis et parmi les chiites. C'était une guerre vraiment féroce entre les gens de Bid'a et Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il prenait beaucoup de temps pour les réciter, et ses élèves également. Donc, il y a un des chiites en Arabie Saoudite qui a écrit un livre pour réciter, pour expliquer c'est quoi qui ont écrit ou composé des récitations contre Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a mentionné les plus importants. Et il a mentionné les noms de certains d'entre ces livres-là, et il a rassemblé leurs arguments les plus communs et les plus répandus. Et il montre comment les ulama, comme Muhammad ibn Abdul Wahhab et ses élèves, par la suite, comment ils ont récité et anéanti les arguments de ces gens de Bid'a dans chacune de ces shubuhat qui nous a fait d'amener, d'accord. Donc ça c'est un livre très intéressant, ça s'appelle Da'awa al-Munawi'in. Da'awa al-Munawi'in. Et puis j'ai oublié le nom de l'auteur, mais en tout cas c'est un livre qui montre les erreurs de qui récite ces gens-là. Et puis, donc, parmi les méthodes de ces gens de Bid'a qui récitaient Muhammad ibn Abdul Wahhab, la première, la plus importante méthode qu'ils utilisent, c'est le mensonge. Et de fabriquer des mensonges sur lui. Et de l'accuser de toutes sortes de choses que n'importe quelle personne qui ouvre un livre de Muhammad ibn Abdul Wahhab, pour lire ses paroles et lire ce qu'il dit, va constater tout de suite par lui-même que c'est pas du tout ça que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab enseignait. D'accord? Mais c'est des gens qui se basent uniquement sur qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'on leur a ramené, et ils écrivent en face de récitations, et ils sont basés dans l'ignorance et l'égarement. Comme par exemple, ils vont essayer de réciter Muhammad ibn Abdul Wahhab sur le fait que Muhammad Abdul Wahhab a interdit aux gens de prendre des intercesseurs en dehors d'Allah. Et ils essayent de prouver qu'on peut essayer de passer par autre que Allah pour adorer Allah, comme prier un saint ou invoquer les morts ou des choses de ce genre. Donc c'est des gens clairement qui étaient sur le shirk, qui étaient sur la bid'a et qui détestaient le tawhid. Et donc c'est pour ça que leurs livres et leurs arguments ne sont même pas connus aujourd'hui, et personne ne sait leur nom, alors que Muhammad Abdul Wahhab, tout le monde en a entendu parler au moins une fois dans sa vie, et tout le monde sait qui ils sont. Donc, comme vous voyez, ces imams-là, ils ont tous eu des opposants durant leur vie. L'imam Ibn Taymiyyah a eu des centaines et des centaines d'opposants, et au moment où il vivait, les gens de Bid'a faisaient tout pour lui rendre la vie difficile. Et c'est eux-mêmes qui s'alliaient avec certains dirigeants et des juges pour essayer de le faire emprisonner. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah a passé une grande partie de sa vie en prison, et il est mort en prison, rahimahullah, à cause des gens de Bid'a qui faisaient tout pour lui faire des problèmes. Et pour l'amener en cour pour essayer de le faire arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter par la parole, ils ne pouvaient pas l'arrêter par les preuves, le Coran et de la Sunna, parce qu'ils n'avaient pas de preuves. Alors la seule façon qu'ils le restaient pour essayer d'arrêter Ibn Taymiyyah, c'est de le faire emprisonner. Et donc c'est la méthode qu'ils utilisaient. Et subhanallah, quand on regarde aujourd'hui les opposants d'Ibn Taymiyyah, qui connaît leur nom? Qui connaît leur livre? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui entend parler d'eux? non. Tandis que Ibn Taymiyyah, son nom est connu par tout le monde, partout sur la terre, aujourd'hui. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala élève la parole des gens d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a, élève les gens de la vérité, et comment il rabaisse et comment il humilie les gens de Bid'a, hein, et les gens qui dévient de la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est une des explications qui est claire. Et le cheikh il dit par la suite, tous ces ulama et tous ces shuyukh qui sont venus, ils sont venus à travers l'histoire pour refaire, revivre et faire reconnaître aux gens la voie des salaf salih et opposer toute forme de courant de bid'a qui essayait de se répandre parmi les musulmans. Et le cheikh il dit, j'ai pris beaucoup de temps maintenant pour expliquer ça et pour le clarifier. Pourquoi? Parce que on entend que de ces temps-ci, des gens essaient d'attaquer ou de critiquer le terme salafia et d'essayer de dire que c'est un groupe, hein, que c'est un groupe et que c'est une c'est comparable aux autres groupes actuellement, comme ils essaient de comparer à salafia avec Ikhwan ou avec Tabligh ou avec d'autres groupes. Et donc pour eux, ils pensent que c'est un groupe avec un chef et avec une organisation et tout ça, alors que ce n'est pas du tout ça, hein. C'est de suivre le kitab au sunna selon la façon de la compréhension des salafs de cette umma, et ils prétendent, certains d'entre eux, que le fondateur de la da'wah salafia, c'était Muhammad ibn Abdul Wahhab. Alors que Muhammad ibn Abdul Wahhab, comme le cheikh va l'expliquer, il n'était qu'un parmi les autres du'as qui ont appelé à suivre cette voie, d'accord? Et donc c'était ça. Il y avait, ça n'a rien à voir avec le fondateur. Il y en a d'autres aussi qui essaient de prétendre que c'est une voie qui a été fondée par Jamaluddin al-Afghani, Mohamed Rachid Rida et Mohamed Rachid Rida et Mohamed Abdou en Égypte. Ils les appellent les réformateurs, un groupe de réformateurs. C'était des gens qui appelaient à une rationalisation de l'islam, puis une réinterprétation des textes à la lumière de la raison, et puis qui aussi faisaient partie des francs-maçons et qui ont mélangé toutes sortes de choses dans la religion de l'islam, et qui ont amené beaucoup de bid'a. Donc ces gens-là n'ont rien à voir avec la salafia, hein, et la salafia n'ont rien à voir avec eux. Donc c'est pas un mouvement qui est inspiré de ces gens-là. Da'wah salafia, c'est basé sur comme on l'a expliqué depuis le début, la voie des salafs de cette umma. Donc le cheikh il dit, et on va arrêter ici, Inch'Allah, je pense que là, je pense que cette heure-là ne fonctionne pas. Hein. Ok, donc on va arrêter ici. Le cheikh il dit, وَالْحَقِقَ أَنَّ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدُ الْوَهَابُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا هُوَ دَاعِيَةٌ مِنْ دُعَاةِ السَّلَفِيَّةِ وَمُجَدِّدٌ مِنْ مُجَدِّدِيهَا أَحْيَى مَعَالِمَهَا بَعْدَ دُرُوسِهَا وأعادها نقية صافية في هذه الجزيرة بعد أن تكدر صفوها وطغت عليها البدع والخرافات. Donc, juste pour terminer, بل إن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله دولة سلفية ودعوتها سلفية كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله حيث قال في خطابه الذي ألقاه في حج عام 1365 إني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية والتي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة وفي خطاب وقال في الخطاب نفسه يقولون إننا وهابية والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc on va arrêter ici, on va expliquer ce que ça signifie. Donc le cheikh il explique que Muhammad ibn Abdul Wahhab n'était en réalité qu'un autre parmi les du'at qui ont appelé à cette da'wah salafia, et un des réformateur de ces parmi les réformateurs, qui a fait revivre ces principes, hein, et qui a qui les a enseignés d'une façon et qui les a ramenés d'une façon pure et propre dans Al Jazeera, l'Arabie, hein, et qui a ramené sa pureté alors que les bid'ahs et les superstitions avaient été répandues partout dans la péninsule arabe. Les gens avaient complètement oublié la réalité de ce que signifie la sunna. Et les gens avaient des tombes qu'ils allaient adorer, et ils avaient toutes sortes de formes de shirk qu'ils pratiquaient. Et c'est comme si ils étaient revenus à une situation très très semblable à celle des premiers mushrikines de Quraysh. Même à Médine. Parce qu'à Médine, même par exemple à Al-Baqir, l'endroit où il y a les cimetières à Médine, il y avait, dans le Baqir, c'était rempli de dômes et de constructions. Et c'est un endroit parce que les gens qui dirigeaient la Mecque ou Médine à cette époque-là, à l'Ashraf, ces gens-là, c'était des soufis. Et même, je pense même qu'ils étaient des chiites. Et leur descendant aujourd'hui, c'est le roi de la Jordanie. Al-Malik Abdullah, fils de Hussein. Leur arrière ou arrière-grand-père, c'était Hussein. C'était le dirigeant. Et eux, ils se je ne sais pas s'ils sont chiites, sauf que je sais qu'ils sont sur une bid'ah, clairement. Je pense qu'ils ont, en Jordanie, ils ont dépensé, je ne sais pas quelle somme, une grosse somme d'argent, des millions de dollars, pour rénover toutes les oratoires et les sanctuaires qui sont bâtis sur les tombeaux en Jordanie. Et les gens vont visiter ces choses-là. Ça, c'est le ministère des Affaires religieuses là-bas qui s'occupe de ces endroits-là, et les gens vont faire toutes sortes de bid'ah, de chefiyat là-bas. Donc, et ça, c'est pas seulement là-bas, bien entendu, c'est dans tous les pays musulmans. Et donc, après, le chef, il dit que ce pays, l'Arabie Saoudite, le royaume de l'Arabie Saoudite, qu'Allah la protège, c'est un pays qui est basé sur l'aqida salafia, et sur la da'wa qui est salafia. Et le fondateur de ce pays, Abdelaziz ibn Abdurrahman al-Saoud, rahimahullah, il a dit dans un de ses discours qu'il a fait en 1365, lors du Hajj, il dit, je suis un homme salafi, et ma aqida c'est la salafia, et c'est la voie par laquelle c'est la voie que je suis, et je la suis selon le Coran et la Sunna. Et dans le même discours, il a dit, ils disent que nous sommes des wahhabiyas, mais la réalité c'est que nous sommes des salafiyoun. Et nous gardons notre religion, et nous suivons le livre d'Allah et la Sunna de son messager. Et il n'y a rien entre nous et les musulmans, excepté le livre d'Allah et la sunna de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va arrêter ici. Après le Qawm. Exactement, ça n'existe pas. Exactement. Après le Qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim. Il y a des questions, peut-être on peut encore en poser quelques-unes, Inch'Allah. Non, Mohamed Abdullah. Oui. Est-ce que tu entends la société de Ashab, Inch'Allah? Il y a beaucoup de Sahaba qui sont enterrés dans le Baqir. Et puis, là, à ce moment-là, il faisait des tawaf, il faisait toutes sortes d'autres formes de shirk aussi. Mais il y a tant qu'il m'a radi Allah anha, il y a beaucoup d'autres parmi les grands sahabis, mais je ne connais pas tous leurs noms, mais je peux t'en apporter la prochaine fois, Inch'Allah. Mais quand tu vas aller en Arabie Saoudite, Inch'Allah, pour faire le Hajj, tu vas aller visiter Al-Baqir et faire le dua pour Assalamu alaykum Ahl-Diyar, hein, al-Mu'minin. Après, أنتم اللاحقون ونحن على الأثر. Il y a un dua comme ça, je ne m'en souviens pas, mais ça dit que la paix soit sur vous, les habitants de cimetière, et puis chrétien. Et c'est comme si tu demandes pardon pour eux, si tu demandes à Allah de pardonner tout ça, et de leur donner, de les faire entrer au paradis, de ce monsieur-là. Mais tu vois, ils ont gardé une partie des fondations de certains monuments qui étaient construits par-dessus ces tombes-là. Et puis c'était juste, ils ont gardé ça juste pour montrer qu'avant, il y avait ces constructions-là qui étaient faites par-dessus les tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a étudié ça depuis le début de nos durs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux musulmans de construire quoi que ce soit sur un tombe, et il a maudit tous ceux qui faisaient des choses de ce genre. Il a dit « La'anatullah ala al-yahoudi wal-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid » C'est la malédiction d'Allah sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des mosquées. Et il a dit aussi dans un autre hadith, il a dit aussi, هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ces gens-là, lorsque parmi eux un homme pieux ou un prophète meurt, eh bien, ils bâtissent sur sa tombe un sanctuaire ou une mosquée ou un lieu de prière et une mosquée ou quoi, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ce sont les pires des créatures aux yeux d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la maison de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas construit aucun bâtiment. Ouais, le dôme. Ouais, ok. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il y a une chose qu'on doit comprendre, il n'est pas mort dans la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort dans la maison d'Aïcha, radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un côté de la mosquée, oui, ça c'est le premier cours. D'un côté de la mosquée, il avait une série de maisons pour ses femmes qui étaient toutes à l'est, du côté est de la mosquée. Et les premières expansions de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été faites vers l'ouest et vers le nord et le sud pour éviter d'inclure les maisons des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de la mosquée. Mais par la suite, au temps du Sahaba, bien quelques générations par la suite, au temps de Abdul Malik, il y a eu une autre expansion, un autre agrandissement de la mosquée, et c'est là qu'ils ont inclus, ils ont détruit les autres maisons des autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont inclus la maison de Aïcha, radiallahu anha, à l'intérieur de cette portion de la mosquée. Et c'est par la suite, bien longtemps après, qu'un des rois de l'Égypte a fait bâtir sur la tombe, et sur la maison de Aïcha un dôme vert. Mais ça aussi, c'est une bid'a. Tout ça, c'est haram. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Ça, c'est contraire. Bien entendu, c'est contraire. Mais ils n'essaient pas de le défendre, ils n'essaient pas de le justifier. C'est juste que, étant donné qu'ils ont trouvé la place déjà comme ça, quand Mohammed Abdel Wahhab, les musulmans qui ont suivi sa da'wah sont arrivés à la Mecque et à Médine, ils ont fait leur possible pour essayer d'éliminer le plus possible de ces formes de shirk et de bid'ah. Bon, c'est ça. Mais à un certain, ils ont détruit tous les autres qui étaient dans le Baqir et aux alentours dans la péninsule arabe. Et c'est peut-être que lorsqu'ils sont arrivés vers cette chose-là, ils ont eu des problèmes. Peut-être qu'ils ont eu des empêchements, ils n'ont pas pu le faire. Et puis, peut-être qu'ils se sont basés aussi là-dessus sur un hadith, mais je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont utilisé comme exemple. Mais l'idée qu'au temps de la mosquée à Mecca, que Ibrahim a construit, il l'avait construit d'une façon, puis les gens de Quraysh l'avaient rebâti. Et vous voyez que quand vous allez à Mecca, il y a un mur rond, un mur circulaire qui est juste à côté de la Kaaba. Et ça c'est la fondation originale, comment la Kaaba était construite au début. Quand vous rentrez derrière ce mur rond circulaire là, vous êtes en réalité à l'intérieur de la Kaaba. D'accord? Mais étant donné que, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bon, ces gens-là, les Quraysh sont nouveaux dans l'islam, et si je détruis la Kaaba pour la faire rebâtir sur ses fondations originales, ça va faire peut-être des problèmes, ou des soutenants, ou quelque chose comme ça. Donc, ils l'ont laissé comme ça. Donc, là, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est peut-être pas la même chose, mais, Cheikh Mokbel ibn Hadi, Al-Wadi'i, Rahimallah, le Cheikh du Yémen, il a écrit un livre là-dessus. Il a dit, c'est ça que, Ahlul Sunnah, nous, on voudrait enlever ça et changer la situation, mais, comme. Non. Ouais, un petit peu. Mais ils ont quand même essayé de bloquer tous les voies pour les gens de Bid'a, pour pas qu'ils arrivent à faire le shirk ou des choses de shirk de façon apparente. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais avant le shirk, avant la da'wa salafia, il y avait à Médine une, bon, quand vous passez à côté de la tombe de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la maison d'Aïcha comme ça, et à côté il y a un mur, il y a une barrière qui va jusqu'au mur, du côté gauche et du côté droit aussi. Donc, personne ne peut faire le tour, parce que auparavant, les gens faisaient le tour de la maison d'Aïcha pour faire tawaf autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont mis une barrière pour empêcher aux gens de faire le tawaf. Et en avant de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours des gardiens, des hommes qui sont là-bas pour dire aux gens, quand on fait du'a, il faut se tourner vers la Qibla et non en direction de la tombe. Il faut avoir le dos à la tombe et se mettre en face de la Qibla. Donc, si quelqu'un se tourne en face de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire un du'a, les gens sont là-bas et ils leur disent non, il faut vous tourner. Et si des gens essaient de caresser les grillages de la porte, eh bien là, il y a des gens là-bas pour les empêcher, les repousser et leur dire. Mais c'est pas eux qui les ont écrits, c'est pas eux qui les ont construits, c'est les Turcs qui étaient là auparavant, c'est eux qui ont construit ça. Et lorsque eux ils sont arrivés, ils ont trouvé ça déjà là, tel quel. D'accord? Et l'Empire Ottoman, ils ont fait la dernière expansion, et puis, pas la dernière, là, il y en a eu depuis, mais je veux dire, ils avaient fait beaucoup de bid'ah, ils ont rajouté beaucoup de bid'ah. Oui, ceux qui ont fait l'expansion à l'Est, ça c'est très très longtemps avant. C'est pas comme maintenant. Il y a eu, depuis ce temps-là, il y en avait eu beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce que dans la mosquée là-bas? Non. Ouais, ben, si tu regardes là-bas, la plupart du temps, les gens qui sont salafis, ils prient de l'autre côté. Ils s'éloignent de ce côté-là de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, ouais, mais ça dérange pas. Où les gens, les salafis là où ils prient de l'autre côté. Et là, ce que tu vois près de la tombe, les gens qui prient là-bas, souvent, c'est des gens de la façon, ou des gens de bid'ah. Al-Rawda, ouais, on peut prier après, il n'y a pas de problème. C'est juste éviter de prier dernière, si on est en face de la, en direction de la salle. Non. Le nom Wahhabiyya, au Da'wa, il y a les Anglais qui ont donné ce nom-là, il y a eu les Turcs aussi, les Soufis en Turquie. La plupart c'est des soufis, des gens de Bédah, et la presse occidentale aussi. C'est eux qui ont répandu ce nom-là. Non. Donc on va arrêter ici. Ah oui. Ouais. Ouais. Lui, personnellement, est-ce qu'il a pris l'épée pour les gens de l'âge? Lui, je ne sais pas, mais parmi ses fidèles et parmi les autres, oui, ça, c'est clair qu'ils ont combattu parce qu'ils se sont fait attaquer depuis le début. Le khalifa de l'Empire Ottoman avait contacté l'amir, un des amirs de gouverneur de Sultan de l'Égypte pour faire envoyer des troupes pour venir écraser Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il était dans l'Empire Ottoman. Oui, l'Empire Ottoman. Ils ont attaqué plusieurs fois le da'wa. Donc, on va s'arrêter ici. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا